Chapitre 7e, le papier mystérieux. Où en sont vos affaires avec Sir Peter ? Demanda Carlyle un soir au capitaine Levison. Entre le ziste et le zeste, répliqua Levison. Je n'ai rien obtenu. Ces vieux routiers aiment à prendre leur temps. Réponse aussi fausse et mensongère qu'il était faux et menteur lui-même. Du reste, il avait de secrets motifs pour cacher ainsi la vérité. En un mot, il ne désirait pas quitter East Lynne. La jalousie de Lady Isabelle empirait au lieu de s'améliorer. Pouvait-il en être autrement? Les fréquentes entrevues de Barbara avec Carlyle, les confidences envenimées du capitaine, attisaient ce feu dévorant. Mécontente, irritée contre elle-même et contre tout le monde, la malheureuse vivait dans un état de continuelle excitation, et déjà une pensée de vengeance se développait en son cœur. Elle avait, ce jour même de la visite du capitaine à Levison Park, surpris Barbara et son mari se promenant ensemble. Elle traversait West Lynne en Tilbury, et sa voiture passa tout près d'eux, sans qu'ils s'en aperçussent, tant ils étaient absorbés dans une intime conversation. Le lendemain de ce jour, tandis que la famille Hare était à déjeuner, Barbara, qui avait les yeux tournés du côté de la fenêtre, aperçut le facteur qui s'avançait vers la maison. Elle s'élança au-devant de lui. « Je n'en ai qu'une !» s'écria le facteur, « et elle est pour vous !» « De qui est-elle ? » demanda le juge, tandis que Barbara retournait à sa place. En fait de lettres, comme en fait d'autres choses, M. R. aimait à tout connaître. « Elle vient d'Anna, » répondit la jeune fille en posant la lettre sur la table. « Ouvrez-la donc et faites-nous savoir ce qu'elle contient. » Barbara prit la lettre et en la retirant de l'enveloppe, un petit papier, soigneusement plié, tomba sur ses genoux. Par bonheur, le nez du juge était en ce moment plongé dans l'orifice d'une tasse de café, de telle sorte qu'il n'aperçut rien. Mais Madame Hare avait tout vu. « Barbara, vous venez de laisser tomber quelque chose ?» Barbara le savait parfaitement. Elle saisit ce quelque chose à la dérobée et, presque d'un geste coupable, le cacha à la hâte. « Ma chère enfant, recommença Madame Hare, quelque chose vous est tombé sur les genoux. Êtes-vous sourde, mademoiselle, et n'entendez-vous pas votre mère ? Voyons, qu'avez-vous laissé tomber ?» Barbara, les joues enflammées, se leva de sa chaise et secoua sa jolie jupe de mousseline. « Mais, balbutia-t-elle, je ne vois rien, rien du tout, mon père. » En se rasseyant, elle trouva moyen de lancer à sa mère un regard d'intelligence que la vieille dame parut comprendre. Puis Barbara se mit à lire la lettre de sa sœur et la posa ensuite tout ouverte sur la table. Le juge de paix s'en empara, la parcourut d'un coup d'œil et la rejeta vivement en grommelant. « Quelle correspondance ridicule et stupide ! Il n'y a jamais rien dans les lettres d'Anna. Je vous demande un peu comme c'est intéressant d'apprendre que le petit porte maintenant une jaquette ou qu'on lui a fourré les jambes dans une culotte. » Le juge acheva son déjeuner et se dirigea à la hâte vers le jardin. La mère se tourna alors du côté de sa fille. « Que signifie ce coup d'œil mystérieux que vous m'avez adressé ? Quel est ce papier qui vous est tombé sur les genoux ? C'est un mot que m'écrit Anna. » Quand elle veut me faire connaître quelque chose qui ne soit pas à l'adresse de tout le monde, elle ajoute ainsi un petit billet dans l'enveloppe. Vous savez combien mon père est exigeant et curieux. Il veut tout voir, tout savoir. « Mon enfant, interrompit Madame Hare, votre père a le droit d'ouvrir et de lire toutes vos lettres. Je ne dis pas non, ma mère. Mais s'il avait un atome de bon sens, il comprendrait qu'entre sœurs, l'on peut avoir quelquefois de petits secrets à se dire, qu'il n'est ni nécessaire ni convenable de livrer à la curiosité d'un père indiscret. » Barbara, en s'exprimant ainsi, avait tiré de sa poche le petit billet cause de tout ce tapage. À mesure qu'elle en lisait le contenu, son visage s'empourprait d'une vive rougeur, puis tout à coup elle devint d'une pâleur mortelle. « Oh, ma mère » s'écria-t-elle en froissant le billet entre ses doigts crispés. L'émotion de la fille fit aussi pâlir les joues délicates de la mère. « Barbara, est-ce qu'il y a de mauvaises nouvelles ?»« Ma mère, c'est au sujet de Richard. » fit-elle à voix basse. « Ciel, quel bonheur providentiel que mon père n'ait pas vu tomber ce papier !»« Barbara, vous me tenez en suspens !» interrompit ma mère en tremblant. « Que peut donc savoir Anna sur Richard ?» Barbara présenta à sa mère le billet qu'elle venait de froisser. Voici ce qu'il contenait. « J'ai reçu de R une lettre singulière. Il n'y avait ni date, ni signature, mais j'ai reconnu l'écriture. Il me prie de vous informer de la manière la plus secrète possible, qu'il vous fera bientôt une nouvelle visite nocturne. Ayez soin de l'attendre dans le bosquet chaque soir, dès que la lune commencera à briller. Madame Hare se cacha le visage de ses mains pendant quelques minutes, puis elle murmura. « Merci, mon Dieu, pour toutes vos miséricordes. Oh, ma mère, mais c'est courir un danger terrible. Mais savoir qu'il est vivant, savoir qu'il est vivant. Quant au danger, Barbara, je ne le redoute point. Le Dieu qui protégea sa dernière visite protégera encore celle-ci. Il n'abandonnera pas l'opprimé, l'innocent. Détruisez ce papier, mon enfant. Maman, il faut qu'Archibald Carlyle le voie auparavant, alors je le détruirai. Allez donc le lui montrer. Je ne serai pas tranquille qu'il ne soit détruit, Barbara. » Mais pour être plus sûr de rencontrer son dévoué protecteur, Barbara ne s'en rendit que le soir à Eastline. 7 heures venait de sonner quand elle y arriva. « Monsieur Carlyle est-il occupé ?»« Il n'est pas encore de retour, mademoiselle. Milady et mademoiselle Carlyle l'attendent pour dîner. » Le domestique la pria d'entrer, mais elle refusa et s'en alla. Elle n'était pas d'humeur à faire des visites. Lady Isabelle s'était mise à la fenêtre pour voir arriver son mari, dont le retard la surprenait. Elle avait donc vu Barbara venir et repartir. À l'instant même entra dans le salon le domestique qui avait répondu à la porte. « N'est-ce pas, mademoiselle Hare ?»« Oui, ma lady, » répliqua le domestique. « Elle voulait parler à monsieur. Je lui ai dit que vous étiez visible, mais elle n'a pas voulu rentrer. » Isabelle redevint silencieuse. Ses yeux rencontrèrent ceux de Francis Levison fixés sur elle et lui exprimant tout ce qu'ils osaient de sympathie. Dans sa douleur, elle se tordit les mains et retourna à la fenêtre. Barbara descendait lentement l'avenue. Carlyle, que l'on aperçoit enfin, la remontait à grands pas. Ils se saluèrent en se serrant la main. Lady Isabelle tenait ses yeux fixés sur eux. « Combien je suis heureuse de vous voir !» lui dit Barbara naïvement. « Oh, si vous connaissiez les nouvelles !»« Quelles nouvelles ? Des nouvelles de Thorne ?»« Non, mais de Richard !» reprit Barbara en tirant le papier des plis de sa robe. Carlyle prit ce document et le lut avec une grande attention. Carlyle et Barbara ne se doutaient guère que Lady Isabelle et le capitaine Levison dirigeaient en ce moment sur eux l'une des yeux jaloux, l'autre des yeux pleins d'une joie malicieuse. Mademoiselle Carlyle tenait aussi ses regards braqués sur eux. « Il me semble, Archibald, que c'est la Providence qui le conduit ici à 7 heures. Nos soupçons sur Thorne vont donc s'éclaircir. Faites en sorte que Richard puisse le voir. Oh, si on pouvait le convaincre! Si l'innocent de Richard pouvait éclater au grand jour, comment le mettrez-vous à même de voir Thorne ? Je n'en sais rien encore. J'y songerai. Dans tous les cas, veuillez me faire prévenir dès qu'il sera arrivé. Je n'y manquerai pas. Mais excusez-moi, il faut que je vous quitte, ajouta Carlyle en serrant la main de Barbara. Puis, tout préoccupé d'une idée qui venait de jaillir en son cerveau, il retint dans la sienne la main de la jeune fille et fit quelques pas en avant. Il agissait ainsi machinalement, sans trop savoir ce qu'il faisait, et surtout sans attacher la moindre importance à cet acte de familiarité apparente. « Vous savez, Barbara, dit-il, que si Richard désire encore de l'argent, je le remettrai volontiers, au cas où votre mère n'en aurait pas. « Merci, Archibald, merci. Nous n'avons jamais douté de votre obligeance. » Les regards de la jeune fille, regards pleins de reconnaissance, rayonnèrent en ce moment et à son insu d'un sentiment plus doux encore. Carlyle lui dit adieu et s'élança rapidement vers la maison. Il entra dans le salon, s'excusa d'avoir fait attendre pour le dîner, mais il lui avait fallu passer à son étude en revenant de Lynneborough. Lady Isabelle, les lèvres serrées, gardait un silence obstiné. Carlyle, qui ne soupçonnait rien, ni fit nulle attention. « Que voulait donc Barbara ?» demanda mademoiselle Carlyle pendant le dîner. « Elle venait pour affaires. » répliqua l'avoué d'un ton qui ne devait pas engager sa sœur à le questionner davantage. « Que lisiez-vous ainsi ensemble ?» poursuivit néanmoins l'intéressable Cornélie. « Cela avait l'air d'un billet. »« Et c'est en ce biais que consiste le secret ?» ajouta Carlyle en riant. « Si les jeunes filles me confient leurs billets doux, puis-je trahir leur confiance ?»« Allons donc, Archibald, pas tant de mystère. On dirait vraiment que Barbara ne peut plus se passer de vous maintenant. » Carlyle lança sur sa sœur un regard rapide et sévère. Ce regard fut compris de Cornélie. C'était un reproche et un avis. « Archibald, Archibald » s'écria-t-elle, alors avec la crainte dans la voix. « C'est là une vieille affaire. Allons-nous en entendre parler encore ?» Or, par vieille affaire, mademoiselle Carlyle faisait allusion à Richard Hare. Lady Isabelle interpréta différemment ces mots et se figura qu'il devait nécessairement se rapporter aux amours passés de Barbara et de son mari. Je vous le répète, Cornélie, n'attendez pas que je trahisse les secrets d'une jeune fille. Ce serait mal, peu galant, en tout cas. N'êtes-vous pas de cet avis, capitaine Levison ? » Celui-ci répondit par un mouvement de tête accompagné d'un sourire narquois. Lady Isabelle s'en aperçut. Mademoiselle Carlyle, penchée sur son assiette, était redevenue douce et humble comme un agneau. Ce même soir, Lady Isabelle, le cœur indigné et révolté, s'empressa à son tour de questionner Carlyle, dès qu'elle se vit seule avec lui. « Que vous venons, Barbara ?»« Il s'agit d'une affaire toute particulière, Isabelle. Et ne puis-je être mise dans le secret ?» Carlyle se tut un instant. Il semblait réfléchir. Pouvait-il, devait-il révéler à sa femme les soupçons qui planaient vaguement encore sur le capitaine Thorne ? Non. Cela eût été indélicat et injuste. Pouvait-il ainsi informer Isabelle de la visite que l'on attendait de Richard ? On lui avait fait promettre de ne rien dire à personne. « Isabelle, ce secret ne saurait vous intéresser. Il ne concerne que la famille Hare. » Cette réponse lui parut évasive et la blessa au cœur. Elle s'imagina qu'il ne pouvait lui confier ce secret, parce que l'aveu froisserait ses sentiments d'épouse. Cette idée, qu'elle s'efforçait de refouler en son sein, la torturait néanmoins et enflammait sa colère jusqu'au délire. Carlyle, de son côté, ignorait que sa femme fût encore jalouse. Il croyait que cette folie était passée depuis des années. D'ailleurs, sa sincérité, sa fidélité scrupuleuse, tout devait le mettre à l'abri des soupçons d'Isabelle. Le lendemain matin, Lady Isabelle était assise au salon, triste et de mauvaise humeur. Le capitaine Levison, après avoir accompagné Carlyle de la façon la plus empressée et la plus amicale jusqu'à la grille du parc, s'était glissé derrière la haie du chemin, et bientôt après, il revint informer Isabelle d'une nouvelle et ardente entrevue que son mari venait d'avoir avec Barbara. Isabelle se repaissait de cette nouvelle quand un domestique vint apporter une lettre. C'était une invitation à dîner pour le lendemain mardi chez une dame Jefferson. Elle se mit à écrire une réponse dictée par la plus vive impatience. « Irez-vous ? » demanda Mademoiselle Carlyle qui venait de prendre connaissance du billet. « Oui, j'irai. J'ai besoin de changement, » fit-elle d'une voix vibrante et agitée. « Et vous laisserez le capitaine Levison tout seul ?» continua Mademoiselle Carlyle. Lady Isabelle, penchée sur son pupitre, ne fit pas de réponse. « Que va-t-il devenir ?» persista Mademoiselle Cornélie. « Faut-il accepter l'invitation pour vous ?» demanda Isabelle. « Non, je refuse. »« Alors vous n'avez plus à vous inquiéter du capitaine Levison. Vous lui tiendrez compagnie. »« Je me soucie peu de sa compagnie, » riposta la vieille fille avec aigreur. « Je serais volontiers allé chez Madame Jefferson, mais je n'ai pas de coiffure. »« Rien de plus facile que de vous en procurer une. D'ailleurs, il m'en faut une également. »« Mais vous en avez à la douzaine, » s'écria Cornélie. « Encore une de vos exagérations, » fit Isabelle, qui se trouvait froissée de cette remarque et des continuelles contradictions que lui infligeait Cornélie, dont l'humeur acariâtre devenait depuis quelque temps plus intolérable que jamais. Isabelle acheva son billet, le plia, le cacheta, et ayant sonné, elle remit un domestique en priant ce dernier de lui envoyer Wilson. Wilson accourut sur le champ. « L'ouvrière ne doit-elle pas venir ce matin essayer la robe de Mademoiselle Isabelle ?» Wilson hésitait, balbutiait et regardait tour à tour sa maîtresse et Cornélie. Celle-ci leva les yeux et, suspendant son ouvrage, se chargea de faire elle-même la réponse. « L'ouvrière ne viendra pas, » dit-elle d'un ton aigre. « Cette robe n'étant pas pressée, j'ai donné contre-ordre. C'est à moi seul qu'il appartient de juger de ce qu'il faut à mes enfants, » répliqua Lady Isabelle avec emportement. « Votre fille n'a pas plus besoin d'une nouvelle robe que la table que voilà. » continua stoïquement Mademoiselle Cornélie. « La petite en a une provision en réserve, et sa robe de soirée fera un effet magnifique une fois retournée. » Wilson sortit, mais avant de fermer la porte, elle lança sur sa maîtresse un regard de compassion, qu'Isabelle ne put s'empêcher de remarquer. Son cœur éclata d'indignation et de désespoir. Elle ne voyait de refuge nulle part. Ses propres domestiques avaient pitié d'elle. Elle se remit à son pupitre, et bientôt elle eut tracé quelques lignes impérieuses et hautaines par lesquelles elle demandait à l'ouvrière de venir à East Lynne sans le moindre délai. Cornélie, dès qu'il lui vint de ce qui se passait, poussa un gémissement de fureur. « Ah, madame !» vociféra-t-elle avec rage. « Vous regretterez, mais trop tard, de n'avoir pas suivi mon conseil. Du train où vous y allez, vous ne tarderez pas à réduire votre mari à la mendicité. » Il travaille à présent comme un cheval, comme un galérien, et vous ne faites que gaspiller le produit de ses labeurs. Bien qu'on lui eût plus d'une fois seriné ce refrain depuis son mariage, la pauvre Isabelle, toujours facile à impressionner, se mit à penser qu'elle dépensait peut-être plus en effet que ne le comportaient les moyens de son mari. Elle renonça donc immédiatement à l'idée de donner une nouvelle robe à sa fille. Mais elle sentait que son âme s'abattait, que son cœur fléchissait sous le poids du désespoir. Tandis que cette scène avait lieu, Wilson était accouru à la chambre de Joyce et donnait pleine carrière à sa mauvaise langue, racontant avec un malin plaisir et en y ajoutant mille détails de son cru ce qui venait de se passer, l'histoire de la robe et celle aussi de la coiffure. Joyce, qui pour la première fois depuis l'accident avait quitté le lit, se tenait debout près de la fenêtre, considérant avec une vive attention le capitaine Levison qui se promenait sur la pelouse. « Autant qu'il m'est permis d'en juger ici, » fit-elle, « c'est un bien bel homme. »